Tout de suite, la marge de l'histoire, juin 40, Jean Lebrun. Prix du livre inter, J-3. 10 romans français sélectionnés. Un jury composé de 24 auditeurs d'inter et présidé par Philippe Lançon. Il faut absolument continuer à parler des livres qu'on aime et essayer de faire en sorte que les gens les lisent. Sur franceinter.fr, les interviews de tous les auteurs et le portrait de ces jurés passionnés de lecture. J'essaierai d'être là pour organiser le maximum de liberté dans l'expression et le jugement des livres. Verdict le 8 juin, en direct sur France Inter. France Inter s'engage pour le livre. Interruption spéciale. Avec l'assurance auto-MMA, les kilomètres non roulés sont des kilomètres remboursés. Zéro tracas. Et zéro blabla, envoyez la pub. MMA. Conditions sur MMA.fr. Bonne nouvelle, on réouvre. Ah, oui mais attends, pour bien repartir, il faut communiquer auprès de nos clients et puis développer la livraison à domicile. Oui, tout ça je ne l'oublie pas. Et La Poste non plus ne nous oublie pas. Avec les Réactifs Pack, La Poste nous accompagne, nous les pros, pour nous relancer. Ça c'est une bonne nouvelle pour notre chiffre d'affaires. La Poste Solutions Business s'active pour la reprise des pros et lance les Réactifs Pack. Découvrez toutes les solutions côté pro au 3634 à La Poste ou sur laposte.fr/pro. Bon, pour l'avenir de la France, voilà comment ça va se passer. Moi, je m'occupe d'être un canapé design fabriqué par une entreprise familiale qui profite à l'économie française. Et vous, ben, installez-vous, tranquille. Camif.fr, nos meubles aussi pensent très très fort à demain. Dans la marge de l'histoire, juin au jour le jour, du lundi au jeudi, mais le vendredi, un témoin, mieux aujourd'hui, une actrice, une professeure d'espionnage. Le témoin de ce vendredi, Noreen Rioles et l'école des espions de Churchill. Le 4 décembre 1942, un major de l'armée britannique qui était dans les services secrets m'a dit « Écoutez, je vous emmène en Angleterre si vous voulez. » J'ai dit « Je veux être pilote de chasse. » Il me dit « Les pilotes de chasse, on en a. Ce qu'il nous faut, c'est des agents secrets. Alors, vous faites agent secret ou je vous emmène pas ?» J'ai dit « Je fais agent secret. » Churchill savait que la guerre à mener serait une guerre irrégulière et chaque jour roulait dans sa tête des idées que son entourage trouvait assez singulières. Certaines furent très fécondes. Ainsi, celle de créer, sans le secours des gentlemen du MI6, un autre service d'agents secrets, le SOE, qui compta jusqu'à 13 000 agents en 1944 et dont le but était de provoquer des infiltrations derrière les lignes ennemies. Le SOE était organisé en trois divisions, Asie, Allemagne et Europe de l'Ouest, et à l'intérieur de la division Europe de l'Ouest, la section F, comme France. Il était généralement composé de personnalités déterminées, dont l'individualisme était à la hauteur du patriotisme. Certains n'avaient même d'autres lois que la leur. Et pourtant, il fallait les former à passer inaperçus et à se faufiler dans toutes les circonstances. Une école était nécessaire pour cela. Dans l'encadrement de celle-ci, figurait en 1943-1944, la jeune Noreen Rioles, sa mère a toujours cru qu'elle produisait du papier au ministère de l'Agriculture, mais sans le dire, elle produisait des espions. La marge de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun. Noreen Rioles, bonjour. Bonjour. Vous êtes une archive vivante. Le SOE a été absorbé en 1945. Vous étiez jusqu'au bout dans ses rangs. Ses archives ont pour partie brûlé. Mais un certain nombre de papiers ont subsisté qui sont ouverts depuis l'an 2000. Il y a votre dossier ? Dans ces papiers. Il y a certainement mon dossier, mais vous ne pouvez pas le consulter tant que je suis vivante. Ah, vous êtes au fond comme vos chefs qui vous disaient quand vous êtes entrés, surtout ne posez pas de questions. Ah, c'est la consigne que j'ai reçue. Alors vous avez publié un livre avec un grand succès en Grande-Bretagne qui vient d'être traduit par Robert Pépin aux éditions Kalman-Lévy et qui est justement sous-titré « L'école des espions de Churchill ». Alors on a de Londres évidemment aujourd'hui la vision d'une ville sans cesse bombardée à partir de 1940 et où la vie se déroule la nuit dans les caves et dans les abris. One ambulance, one car to 114 High Street. In the BBC, because of the possibility of invasion, announcers, instead of remaining as unknown BBC, voices, were to identify septembre, themselves 1940. As real people. Ici les nouvelles de minuit, Alvar Liddell. Up to 10 o'clock, À 10h ce soir, on savait que 175 avions ennemis ont été abattus dans les raids d'aujourd'hui. Les Allemands ont subi les pertes les plus lourdes depuis un mois. Dans les raids de la journée, entre 350 et 400 avions ennemis ont été envoyés contre Londres et le sud-est de l'Angleterre. À peu près la moitié ont été abattus. On sait officiellement que 175 avions allemands ont été abattus par notre chasse et nos batteries antiaériennes. Vous comptiez autrement. Nous vivions si près de la mort que chaque moment était précieux. Chaque moment était précieux et chaque matin quand on se levait, on remerciait Dieu parce qu'on avait quand même encore une journée de vie. Les barrières rigides de classe du système anglais se trouvaient branlées. Et puis aussi les barrières de sexe. Il y avait des Polonais, des Français, oui, des Norvégiens, des Danois, des représentants de toutes les nations, oui, alliées ou pas alliées, il y avait les de choix. La Grande-Bretagne qui était là. Oh oui, on avait le choix. Nous étions gâtés. Vous aviez une dilection pour les Polonais? Non, mais je trouvais que les Polonais étaient très séduisants. Vous savez, leur uniforme, c'était magnifique, avec ses bottes et les casques carrés et le par-dessus qui... presque par terre, et puis il faisait le baise-main, il faisait la révérence quand il vous voyait, c'était merveilleux. On était tous séduits par les Polonais. Mais vous avez le droit de dire que les Français libres étaient moins séduisants. Les Français libres étaient moins séduisants, mais ils étaient séduisants quand même. Déterminé, vous ne voulez pas aller dans un ministère, vous ne voulez pas aller faire votre tâche de service militaire dans une usine de munitions, et vous arrivez à vous introduire dans une maison de fous. Absolument. Le SOS, c'était une maison de fous. C'était ma première impression, oui, que j'étais vraiment arrivée dans une maison de fous autogérée. C'était, je crois qu'il y avait une crise, il y avait beaucoup de crises, mais je suis arrivée à un moment où il y avait vraiment une crise, et il y avait les téléphones qui sonnaient, les portes qui claquaient, des officiers qui couraient dans les escaliers et le couloir en bras de chemise avec la cravate qui était partout, en hurlant. C'était incroyable. Je croyais vraiment que j'étais dans une maison de fous. Un moulin à vent, écrivez-vous, dirigé par les Marx Brothers. Absolument. Mais vous-même, vous déballiez pas mal les escaliers. Et vous aviez... C'est une de vos tâches, pas la plus importante, celle de descendre au studio les messages de la BBC, les fameux messages que chacun a entendus et qui étaient destinés à ceux qui allaient réceptionner en France les agents infiltrés. Ici Londres, vous allez entendre les informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. La villa est silencieuse. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. La belle aussitôt la suit. Nous disons la belle aussitôt la suit. La dernière heure a sonné. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras deux fois. Des messages surréalistes de ce genre étaient beaucoup plus sûrs que des messages codés. Les messages codés, c'était, ça devait passer par la radio, et puis ça pourrait être intercepté, tandis que les messages comme ça, les Allemands étaient devenus fous, parce que parfois des messages étaient tellement ridicules qu'ils croyaient qu'il s'agissait d'une code très sophistiquée. Et il paraît qu'ils avaient passé des heures à essayer de décrypter ces messages, mais bien sûr, ils ne sont jamais arrivés, parce qu'on ne peut pas décrypter quelque chose qui était passé en clair. Ces messages étaient diffusés avant les parachutages ou avant les arrivées en sous-marin, mais... Je voudrais qu'on parle de la longue période de formation qui pouvait durer des mois et qui allait aboutir au départ. C'était de l'entraînement physique, mais pas seulement. Non, pas seulement. L'entraînement d'un agent, c'était 6 mois. Mais si c'est un radio, c'était 8 à 9 mois. Et passait par des écoles, il commençait au nord de l'Écosse, à Alessic, et il terminait à Beaulieu, dans le New Forest, tout au sud de l'Angleterre, et on appelait Beaulieu finishing school pour les agents secrets, c'est-à-dire où ils étaient peaufinés, ils apprenaient l'art de l'espionnage. Il y avait par exemple un homme qui s'appelait Johnny qui se baladait, dites-vous, avec porte couverte de serrure. C'était le professeur de serrurerie, enfin de cambriolage. Sur cette porte, il y avait un tas de serrures. Et il devait apprendre au futur agent comment les décrocher. Et Johnny avait appris ses tactiques d'un cambrioleur. Et il était sans doute un très bon cambrioleur, parce que le gouvernement l'avait relâché d'une longue peine, à condition qu'il apprenait ses tactiques à SOE. Ah, c'est sûr que c'était pas un club de gentlemen, le SOE, à la façon des services secrets traditionnels. Il y avait le professeur de déguisement, il y avait le professeur d'étranglement. Sykes et Fairburn, c'était les deux anciens policiers de Shanghai. Ils pouvaient prendre un revolver et tirer sans faille sur quelqu'un dans les trois, je crois que c'était les 30 secondes. Et c'était eux qui apprenaient aux agents comment tuer silencieusement, soit avec le couteau à double tranché ou avec la main. Vous aviez 18 ans et vous regardiez ça avec beaucoup d'étonnement. Je peux vous donner une démonstration si vous voulez, mais je ne veux pas être responsable d'une série de meurtres à Radio France. Vous aviez beaucoup d'admiration pour le chef, le colonel Buckmaster ? Oui, beaucoup, beaucoup, oui. Beaucoup de choses, à mon avis, qui on dit sur lui, en essayant de le blâmer pour ceci et pour cela. Mais moi, j'ai travaillé avec lui, et c'était un homme plein de compassion, qui utilisait beaucoup son intuition aussi, qui aimait beaucoup ses agents, mais comme tout le monde, il fait des erreurs. Il a fait des erreurs, parce que vous savez, il n'y avait pas de manuel. Il n'y avait pas de manuel pour nous apprendre. On apprenait sur le champ. L'improvisation. L'improvisation. Alors, quand on improvise, et quand on improvise, quand on est fatigué et pressé, souvent, on fait des erreurs. Le bilan par Buckmaster lui-même. Nous avons cherché d'abord à trouver parmi les officiers de liaison des forces armées des officiers britanniques qui parlaient absolument parfaitement le français, sans accent. Tout notre travail était basé sur le moment où viendrait le jour J, où les hommes, les femmes qui avaient travaillé avec nous en France pourraient rendre leur aide, pourraient essayer eux-mêmes de libérer leur propre pays. Entre-temps, faire des sabotages, nier aux Allemands, autant que possible, l'utilisation des usines françaises. Nous avons envoyé en tout 480 agents. Et ça, dans une période qui a commencé en mai 41 jusqu'à juin, juillet 44, nous avions plus de 50 réseaux en France, et au moment du jour J, nous étions en rapport avec 52 ou 53 réseaux indépendants. Parmi ces 480, beaucoup d'anglais, beaucoup de français aussi. Beaucoup de français, beaucoup d'anglais, et c'était vraiment très mixte. Et pourquoi tant de français ? Puisque il y avait une autre sous-section, une section pont au SE, RF, qui assurait les services nécessaires au BCRA, le service secret du général de Gaulle, et aux gens de la France libre. Le BCRA, c'était l'organisation du général de Gaulle, il n'acceptait personne qui avait eu un lien avec les communistes. De Gaulle avait un peur bleu qu'après la guerre, les communistes prennent le pouvoir. Alors, si quelqu'un, il avait même comme étudiant, vous savez, comme beaucoup d'étudiants, ils ont des idées bizarres, s'ils avaient eu des idées communistes, ils les rejetaient. Alors, nous ne posons pas de questions. Pour nous, la religion, les politiques, la couleur, ce n'était pas important. Tout ce que nous voulions, c'était des gens qui, finalement, à la fin d'une formation, étaient aptes d'y aller. Étaient fiables. C'est là que vous intervenez avec quelques-unes de vos camarades. Vous êtes le dernier APA survivant. Oui, nous étions... Noreen Rioles, qu'est-ce que c'est qu'un APA ? C'est quelqu'un qui détourne du droit chemin, un agent qui est au bout de sa formation ? C'était la dernière école, c'était à Bulle. Il n'y avait que 6 femmes qui avaient travaillé à Bulle pendant la guerre, et je crois que je suis la dernière survivante. On nous appelait des secrétaires, parce qu'il fallait nous appeler quelque chose, mais nous étions des appâts. C'est-à-dire ? On apprenait aux agents comment, par exemple, filer quelqu'un sans que cette personne se rendait compte qu'ils étaient... Et puis, comment se débarrasser de quelqu'un qui essayait de les filer. comment passer des messages, sans bouger les lèvres, sans aucun signe de reconnaissance. Et ça se passait souvent dans les parcs ou sur la plage ou dans les bancs. Dans le... Et comment, sur la terrasse d'un hôtel, un soir, tirer les verres du nez de l'espion qui va partir en mission? C'était ça, peut-être la chose la plus James Bond. Ce qui n'est pas étonnant, parce que l'auteur de James Bond était dans la Naval Ian Fleming était agent dans la Naval et son jeune frère, Peter, était un de nos agents. Alors, oui, on était utilisé pour essayer de les faire parler, pour savoir que en face d'une femme qui s'intéressait à eux, une jeune femme peut-être jolie, ou avec un verre de trop, et ils parlaient en divulguant ce qu'ils faisaient et ce qu'ils avaient l'intention de faire. Et ainsi, avez-vous cassé peut-être le parcours d'un jeune et beau Danois? Un beau Danois, oui, oui. Qui, quand on lui a révélé les subterfuges dont vous avez usé, vous a traité de... De garce. De garce. Mais notre commandant m'avait dit après, mais écoutez, si il ne peut pas s'empêcher de parler à une jolie femme ici, il va certainement le faire une fois qu'il est là-bas. Et ça ne sera pas simplement sa vie, mais la vie de beaucoup d'autres personnes qui est en jeu. Vous êtes là au moment du départ, à la dernière inspection, avant qu'on ne les revête d'un costume de vol, de parachutage qui les fait ressembler à Bibendum. Il y a un tailleur juif venu de Vienne, en exil, qui les habille en français. Chaque agent était habillé en français, ou en tchèque, ou en polonais. Et c'était un tailleur viennois, un petit juif, qui faisait des complets qui étaient coupé à la française. Moi, je ne savais pas que les coupes d'une jaquette ou la façon de mettre les boutons sur une chemise étaient différentes dans les autres pays. Mais ici, j'étais partie dans des vêtements anglais, même avec les étiquettes arrachées et Galerie Lafayette ou Printemps mis à la place, ça aurait pu les trahir. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. En chantant l'air du Tipperary, tous les braves Tommy, aidés par les copains d'Australie, ont dépassé Benghazi. Pour toi, Mussolini, ça va de mal en pis. T'abandonnes des hommes, des tanks, des flingos, quand les Anglais disent go. Apercevant les Anglais toujours si flegmatiques, les carabiniers y sont verts car ils ont les foies. Tout à coup, se souvenant du pas de gymnastique, ils plantent là leurs forts et même leurs généraux, ma foi. Les Italiens qui sont réputés pour leur vélocité, bien qu'ils cavalent, se font rattraper par tous les soldats alliés. Voyez les petits Français, plus braves que jamais. Vers la victoire, ils ont fait un grand pas quand ils ont pris Koufra. Une adaptation façon années 42-43, quand vous entrez au SEE, Norine Riols, une adaptation de Tipperary, le grand chant, connu dès avant la Première Guerre mondiale. Votre livre, Ma vie dans les services secrets, l'école des espions de Churchill, raconte aussi un peu ce que vous n'avez pas vraiment vécu, le terrain en France. Vous avez regretté de ne pas être sur le terrain? J'ai regretté, mais j'étais trop jeune. La femme la plus jeune à partir était Anne-Marie Walters, et elle avait tout juste 21 ans. Et Villette Zabord en avait 22, elle était exécutée à Ravensbrück à 23. J'aurais pu suivre l'entraînement. La guerre était presque finie, ce n'était pas la peine. Les femmes ont souvent le rôle de courrier dans le réseau où les agents sont trois, souvent, parfois quatre. Souvent, il y avait un quatrième, comme Bob Maloubier, saboteur. Mais le saboteur allait plutôt de réseau en réseau, il n'était pas permanent. Alors, le courrier, c'est celui qui transporte les émetteurs? Le courrier, les papiers. Était un, elle était une espèce de messager pour l'organisateur, et souvent elle accompagnait les aviateurs qui avaient été abattus ou des prisonniers de guerre qui sont échappés des camps. Elle les transportait de ce qu'on appelle maison sûre à maison sûre, parce qu'il y avait toute une ligne de maisons qui commençait en Belgique et allait jusqu'aux Pyrénées. Alors le chef de réseau, bon, a un rôle très important, mais l'opérateur radio est le pivot, vous l'appelez le pianiste. C'est le pianiste, yes. Et c'était lui vraiment le plus important, parce que sans radio, il ne pouvait pas contacter. Chaque agent avait une espèce de petite formation en radio, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Tandis que sans lui, c'était difficile de vraiment envoyer des messages à Londres. Alors on le gardait précieusement, mais son espérance de vie était de 6 semaines au début. C'était une vie... Oh, il vivait sur ses nerfs. Il était toujours en train de courir avec le Gestapo à 2 pas derrière lui. Parce que il ne devait pas transmettre plus que 2 fois, du même endroit. Et puis, le quatrième, à moins que le rôle ne soit tenu par le chef de réseau, c'était le saboteur. Alors, vous avez cité votre ami Bob Maloubier. Oui, bah, c'était peut-être le plus grand saboteur de la section. Je crois même qu'il a continué bien après la guerre à tenir son rôle. J'en suis sûr, oui. Je remonte à Rouen, je traverse la place de la cathédrale pour rentrer chez moi. J'habitais derrière la cathédrale. Et à ce moment-là, où je traverse la place, un peu avant le couvre-feu, à 11h15 environ, bah, il y a le Soldatenheim, c'est-à-dire le foyer allemand qui saute sur la place. Donc la place menace d'être bouclée, il y a des coups de sifflet, les Allemands commencent à encercler la place, et bien sûr, moi, dans mes sacoches de mon vélo, j'ai bien sûr une mitraillette, mon Colt 45, des restants d'explosifs, des grenades, etc. Donc je me suis défilé, j'ai pris mes pédales à mon cou, je me suis défilé dans la rue Saint-Romain, je suis passé avant que la place soit bouclée, sinon j'aurais été arrêté et fusillé pour quelque chose que je n'avais pas commis. Souvent les pièges se referment pour raconter Maureen qui passe... un poste de police, et puis les Allemands fouillent absolument tous les sacs. Et alors elle dit, ah ben moi c'est pas la peine de fouiller mon sac, j'ai mon émetteur dans mon sac à provision. C'était elle qui transportait le poste du radio d'endroit en endroit, parce qu'un homme avec une grande valise, vous savez, ça pesait à peu près 20 livres, et c'était dans une petite valise, comme un valise de week-end. Alors, un homme comme ça, un jeune homme, était suspect. Mais les femmes, le courrier le faisait, et elle le mettait au fond d'un panier, le couvrait de carottes et poireaux et laitues, et c'était une femme qui rentrait de son marché. Mais il y avait un courrier qui, un jour, devait transporter la valise assez loin. Alors, elle l'avait attachée derrière sa bicyclette, mais elle était arrêtée à un passage à niveau. Et pendant qu'elle attendait, il y avait une voiture pleine de Gestapo qui est arrivée et qui s'est garée à côté d'elle. Et un des officiers a baissé le vitre. Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez dans cette valise? Alors, elle savait très bien que si elle trébuchait, si elle avait l'air d'être gênée ou avoir peur, elle était perdue. Alors, elle a donné un grand sourire. Elle était d'habitude très, très jolie, ses courriers. Et elle a dit, j'ai un poste de radio et je vais contacter Londres et leur dire tout ce que vous faites ici. Alors, il a regardé et puis elle a continué à sourire. Et puis, finalement, lui, il a souri aussi. Il a dit, mais vous êtes beaucoup trop jolie pour risquer votre tête avec de telles bêtises. Il a salué et il est parti. Comme elle avait dit après, ben, il aurait pu me forcer à ouvrir et j'aurais sans doute été fusillée, mais au moins j'aurais été fusillée en disant la vérité. Fusillée, torturée, il y avait toutes sortes de risques. Oui. Comment les formiez-vous à l'interrogatoire? Je ne sais pas du tout, j'ai jamais assisté à ces cours. Mais je sais qu'ils avaient des cours de tactique d'évasion. Comment se débarrasser des menottes, par exemple, et aussi comment se conduire sous interrogation et torture. Et vous savez que chacun avait une pilule, ce qu'on appelait une pilule L. Ils étaient cachés quelque part sur la personne, et on les conseillait de le prendre. Si jamais ils étaient arrêtés par la Gestapo, c'était de la cyanure, et ils seraient morts dans les 2 minutes. Mais que s'ils ne prenaient pas, de ne pas parler avant 48 heures pour donner à ses camarades la possibilité de se dissiper et avec un peu de chance, de s'évader. Mais c'est pas facile, vous savez, de garder le silence quand il y a des chocs électriques qui courent dans votre corps ou on vous arrache les ongles de pied et de la main, une par une, ou vous êtes suspendu par les chevilles ou les poignets et battu jusqu'au moment de perdre conscience. Mais il savait tout ça avant de partir. Il savait aussi qu'il n'avait que 50% de chance de revenir. Et ils avaient peur. 50% de chance de revenir, en tout cas ce pourcentage s'est appliqué aux femmes. Oui, j'ai été torturée au début de ma captivité, et puis, un peu après. C'est une chose physique, c'est un moment difficile à passer. Et vous savez, le choix est très limité. On peut faire deux choses. On peut ou s'abandonner à ce qui vous est fait, et à ce moment-là, alors, on dit n'importe quoi, on dit tout, pour essayer de sauver sa peau. Très souvent, ça ne la sauve pas d'ailleurs. Ou alors, on se dit que le choix ne vous appartient plus et qu'il arrive un moment où, fatalement, il n'y a qu'une chose, il n'y a qu'une délivrance, et c'est la mort. Et si on est prêt à faire face à sauve, je ne sais pas, il y a l'étincelle de vie, cette chose mystérieuse qui est en nous devient plus forte, devient plus grande, et on peut presque abandonner son corps. Et après tout, que peut faire un homme? Il peut torturer votre corps, mais personne ne peut toucher l'âme d'un homme. Personne, vous êtes le seul maître de votre âme. Témoignage d'Odette Churchill, archive de Radio-Canada. Odette Churchill qui n'était pas seule quand elle a finalement été sauve. Il y a toutes celles et tous ceux dont on ne parle pas. Elle n'était pas seule, c'est vrai. Il y en a tellement qui ont fait des choses extraordinaires et qu'on n'en parle pas. Alors, votre livre, c'est un mémorial à sa façon, qui se termine par un long index de tous les agents que vous avez connus. Je voudrais qu'on cite le nom de deux femmes, Vera Legge, André Borel. Vous dites, on n'a jamais su laquelle des deux, Ostrutov, Anna Zwiller, en Alsace, au moment d'être jetée au four crématoire, a provoqué le bourreau allemand d'une façon inouïe. Il y avait quatre, et on les avait donné une piqûre pour les paralyser, et puis ils étaient jetés dans le crématoire, vivants. Elles ne pouvaient pas bouger, mais la dernière commençait à reprendre conscience, et elle s'est levée et elle a griffé la figure du jeune caporal qui l'a jeté. Malheureusement, ça ne l'a pas sauvé. Mais lui, il a porté ses griffes pendant le restant de sa vie. Et quand il était devant les juges, il a dit « Mais j'étais un simple soldat, je ne faisais que mon devoir. » Mais quel devoir quand même. Ces histoires, vous les entendez de la part des survivants au moment des débriefings. Les débriefings au retour, ça n'est pas facile. J'ai grandi rapidement au débriefing, dites-vous. Je crois que j'ai arrêté d'être une jeune teenager sans souci, sûre de moi, sachant exactement ce que j'allais faire de ma vie, etc. Et puis je suis devenue une femme. Parce que ça me, vous savez, quand j'étais à ces débriefings et j'ai vu les agents qui n'étaient pas beaucoup plus âgés que moi, le plus jeune avait 19 ans quand il a été pendu à Flossenbürg, je crois. D'une façon atroce. Alors, vous savez, on peut s'identifier avec eux. Ça m'a beaucoup changé. Surtout qu'un homme qui vous avait beaucoup séduit, un agent, est mort lui aussi sans doute. Vous ne l'avez jamais revu. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Parce qu'il y en avait tellement qui ont disparu sans trace. Parce que Hitler avait dit que tous les agents des SOE devaient disparaître sans trace. Alors vous vivez en France maintenant avec Jacques depuis près de 60 ans, Noreen Riols, un ancien de la division de l'âtre. On peut peut-être finir avec une des phrases préférées de votre mari. Vous savez, celle sur la paix et la guerre. Il a dit « N'importe quel idiot peut bagarrer, mais il faut quelqu'un d'intelligent pour garder la paix. » Merci, votre livre aux éditions Kalman Levy, dans une traduction de Robert Pépin. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard et Linka Negulesco, à la technique Clément Vuillet et à la réalisation Jacques Sigal.